cette musique si magnifique, abandonnée dans une boîte dorée, rejoue l'air fameux d'un cœur amoureux, épris d'une femme forgée dans son âme, une mélancolie, douce mélodie d'un drame. Il a suffi de l'écouter, tout était dit dans cette mélodie, elle me fait monter vers l'immensité. Je touche les cimes d'un amour sublime, transperçant mon corps d'une flèche en or encore. Sans illusion d'une fausse vision, elle a su m'aimer, me faire partager des moments grandioses auxquels je n'ose effacer de moi ces instants comme ça, comme ça. Elle est ailleurs, loin de mon cœur, mais toujours là, ancrée au fond de moi. Je sombre dans les flots d'une vie solitaire, avec un bateau tellement dérisoire, recherchant la terre, cherchant la lumière d'un phare.